Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en C'est les Marines, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, ces punchlines et ciselés vous ont autant manqué que l'odeur de la salle lui a manqué. Après une préparation d'avant-saison gonflée, il revient pour la saison 2 dès ce soir. Florian est avec nous. Salut Flo. Salut à tous. N'ayant ni cellule de recrutement ni argent, alors nous aussi nous faisons appel au centre de formation. Erwan rentre avec nous pour sa première dans Les Activistes. Salut Erwan. Salut tout le monde. Au sommaire ce soir, Tiaré et la peau de chamois. Retour sur Acnior. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Et Mercacto, le changement, c'est pas pour maintenant. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et ce soir, elle sera aussi celle de Didier Noto, entraîneur emblématique du HAC qui, un soir de mai 1985, a remis le doyen dans l'élite du football français. Il n'hésitait pas à aller au charbon pour protéger ses joueurs, et de tous ceux qui l'ont connu, le sentiment de droiture et de justice reste. N'hésitez pas d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, à aller lire l'article hommage que lui a consacré Mathieu Pécaud sur sofoot.com. Tout y est parfaitement dit. Pour tout ce que vous avez fait, merci Attila, ce numéro vous est dédié. Les Activistes saison 2, c'est parti, et tout de suite, Jingle Nior. Cham, cham, cham, chamois d'or. Cham, cham, cham, cham, cham, chamois d'or. Tiaré et la peau de chamois, même d'ailleurs la peau des chamois, vu que grâce à Jamal Tiaré et son doublé, le HAC a enfin pu s'imposer au Stade Océane devant son public, ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. On va attaquer avec toi, Florian, tout de suite sur la composition des équipes. On sait que tu aimes bien analyser au départ les forces en présence. On va redescendre les lignes gentiment. Fofana dans les buts du classique. La défense classique aussi en fonction des circonstances avec Mbemba à droite qui est conforté. Ça, c'est peut-être juste le seul point où on pourrait s'interroger. Sangante et Touré en charnière centrale, ça fait le travail. Il n'y a pas de souci. Meraz de retour. Et ensuite, donc, Le Cal toujours dans son poste. Richardson et Ba titulaire, ça c'était la surprise du chef. Cornette et Tiaré sur les ailes et Boutaïb en attaque. Florian, sur ce que tu as vu au niveau de la composition des équipes, on aurait presque pu croire finalement, vu que Ba rentrait pas mal à gauche ces derniers temps, qu'il aurait pris du poste pour Bonnet. Et au final, il y a eu un petit changement du chef. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour ne pas avoir beaucoup vu de matchs depuis le début de saison, les petits jeunes, la plupart, je ne les connaissais pas. J'ai vu que le match contre Sochaux. Et du coup, quand j'ai vu la compo, bon là, charnière, j'avais entendu des échos que c'était plutôt positif. Mbemba, quand la première fois que je l'ai vu sur le côté, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, il est plutôt correct sur son côté. En tout cas, toujours mieux que le milieu de terrain de la saison dernière. Ensuite, pour Ba, oui, agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à le voir au milieu de terrain. Je m'attendais, comme tu le dis, plus sur un côté. Tiaré sur un côté, pareil, ça m'a un petit peu étonné. Mais on verra que par la suite, il part plus vers l'avant et c'est un peu Bas qui sera sur le côté. Une compo sur le papier qui quand même fait plaisir, parce qu'on voit quand même quatre petits jeunes qui sont dans l'effectif. Ça présageait pas forcément non plus de comment dire. J'étais pas hyper emballé, mais voir des jeunes sur la compo et sur le terrain, c'est le petit côté positif. De ce match. Erwan, pour toi qui nous a habitués depuis le début de saison à faire tes débriefs, est-ce que toi aussi tu as été surpris de la composition de Paul Le Guen ou est-ce que tu t'es dit bah c'est logique ? Moi j'ai pas été surpris parce que c'est déjà une compo qui est déjà quand même assez régulière hein, lors des derniers matchs du HAC. J'ai été surpris, c'est plus le point de vue de Tierno Baldé. Pourquoi faire jouer Bemba une nouvelle fois dans un poste qui n'est pas le sien ? J'ai vraiment des questions sur Tierno Baldé qui était blessé quand même en début de saison. Et là, je sais pas pourquoi. Il est rentré, il a joué 1 minute 30, mais c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas parti titulaire, que c'est son poste habituel. Ah oui, on peut s'étonner, ouais. C'est effectivement la question se pose, étant donné qu'on nous insiste sur le fait qu'il faut des fois des recrues. Donc, prendre des jeunes en prêt pour qu'au final, ne pas les faire jouer quand ils sont aptes, c'est une question peut-être qui viendra. Mais on sait aussi à quel point Paul Le Guen peut être fidèle à certains joueurs. On a eu par le passé Jean-Pascal Fontaine. Là, en ce moment, il y a Nolan Mbemba qui peut-être, il a peut-être pas envie de le sortir tout de suite pour je ne sais quelle raison, peut-être pour pas le perdre, étant donné qu'au milieu de terrain, il sait qu'il y aura beaucoup trop de concurrence cette saison. On verra ce que ça donnera. Partons sur le match, messieurs. Moi, j'ai trouvé que le premier quart d'heure était très pépère, très tranquille. On a même vu Alioui s'échauffer au bout de 20 minutes. On s'est dit, tiens, il va peut-être y avoir à nouveau du changement à la mi-temps comme il y a eu la semaine précédente à Rodez. Et par la suite, le match a été équilibré, mais avec beaucoup de maladresse. Et on en arrive à la 38e avec ce but de Jamal Tiare qui vient mettre le couvercle sur la casserole après une frappe de Boutaïb qui a été détournée par le gardien. Erwan, on va rester avec toi. La première mi-temps, qu'est-ce que tu en as pensé dans l'ensemble ? Assez brouillon dans le jeu. J'ai pas trouvé un hack extraordinaire. Mais c'est vrai que bon, le but, il arrive à la 37e minute, c'est ça ? Donc c'est quand même assez tard. Après, bon, on marque, et tant mieux, juste avant la mi-temps. Donc c'est plutôt bien. On a réussi la première période avec le but, etc., etc. Mais dans le terme du jeu, j'ai pas trouvé un jeu extraordinaire. Je trouve qu'il y avait quand même un petit manque... Je sais pas, quelque chose, il manque une petite étincelle. Le hack me fait pas kiffer dans ces matchs. Je trouve qu'on est trop brouillon. Florian, tu l'as dit précédemment, c'était un de tes premiers matchs que tu voyais après Sochaux. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce hack version 2021-2022 avec tes yeux ? Un début de match PPR, on dirait un petit round d'observation. Toutefois, j'ai eu quand même une petite frayeur sur un centre niortais, mais... Le joueur niortais, il a complètement dévissé. Au lieu de frapper, ça a fait une passe à son collègue qui était excentré. C'était pas folichon à voir, mais après, je me dis, c'est un début de match. À la maison, on sait que le Havre n'est pas très chaud pour faire le jeu. On verra avec la possession, évidemment. C'était solide, pas de prise de risque. C'était vraiment un petit round d'observation. Après, le but de Jamal... Alors, quand il y a un but, on dit soit félicitations à l'attaque, soit erreur de la défense. Taïb part vraiment à la limite du hors-jeu. Pour moi, même, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Par contre, énorme erreur de la défense de Niort, parce que laisser un Boutaïb seul entre deux défenseurs à la limite du hors-jeu, bon, il frappe sur le gardien a fait ce qu'il fallait, mais Tiare était là, juste derrière pour la mettre au fond. Bah, ça fait plaisir pour Tiare, parce que on sait ce qui s'est passé l'année dernière, j'étais un des premiers à lui taper dessus. Là, il était bien positionné au bon moment. Bon, après, le but était vide, il l'a mis, tant mieux. Et ça, c'est bien de voir un renard des surfaces et pas se dire, bon, bah Boutaïb est en seul, en face-à-face. Allez, il va marquer, c'est bon. Non, c'est bien d'être à l'affût parce qu'on sait jamais. Et là, il a réussi à récupérer le ballon. Et il nous met très bien dans cette première mi-temps qui a, en termes de possession, été à l'avantage de Niort, du 60-40 environ. Après, tout ce qui est niveau stats, c'était équilibré, que ce soit en frappe cadrée, en passe. Je vais pas dire qu'on s'en sort bien, mais c'est une énorme erreur pour moi de Niort qui nous permet d'être devant à la pause. Ouais, bah, c'est comme tu dis, c'est bien pour Thierry parce que même depuis le début de la saison, on l'a vu, il avait beaucoup d'hésitations, même encore contre Paris FC, il y a eu des contrôles approximatifs et qui ont fait qu'il n'a pas pu avoir des grosses occasions comme il aurait dû en avoir. Et une présence qu'on sentait plus émoussée qu'Aves. J'ai dit, ça avait un petit côté vase communicant entre Boutaïb et lui. À mesure que Boutaïb montait, lui commençait à descendre. Donc c'est bien qu'il se soit remis dans le bain samedi soir. Et donc on en arrive à 1-0 à la mi-temps. On est content, ça se passe bien. L'arrêt entame de deuxième mi-temps est plutôt bonne aussi avec la vraie, avec un ami Richardson toujours aussi fort. Moi, je dis, pour moi, c'est pour le moment avec Fofana, c'est sûrement les deux meilleurs joueurs de ce début de saison. Et 56e minute, but à nouveau de Jamal sur un corner de Cornet qu'on n'avait pas énormément vu d'ici là et qui fait une bonne passe à nouveau sur coup de pied arrêté, suite là aussi à une frappe déviée, mais là d'Abdoulaba qui avait donné le corner. Erwan, cette entame qui commence bien, 2-0 dans l'heure de jeu, on se dit ça y est, c'est parti, ça va être pépère jusqu'au fond et on va pouvoir peut-être enfin assister à une victoire par plus de 2 buts d'écart qu'on attend depuis presque 2 ans au stade Océane. Ah ben, au moment où on menait 2-0, au moment que le HAC fait le break dans ce match, j'étais un petit peu optimiste à ce qu'il y ait une petite raclée pour le HAC, un petit 3-4-0, je me dis Niort va peut-être s'effondrer. Je pense que l'AC peut faire l'écart à ce moment-là du match. Et puis, on sait ce qui s'est passé. Hein. 6 minutes après, égalisation sur une frappe de loin, un peu bizarre. Réduction de l'écart. C'est vrai que la frappe aurait pu compter double tellement elle était jolie, mais bon, ça fait qu'un pion quand même pour Niort. Ah oui. Bon. Oui, effectivement, la réduction d'écart du coup pour Niort, et donc c'est vrai qu'après le HAC se met un petit peu en danger quoi pour la fin du match. C'est vrai qu'on aurait pu faire l'écart et puis après on a su gérer, mais on aurait pu se mettre en danger. Oh, t'es jamais à l'abri effectivement de prendre un but à la con qui te fait jeter tout ce que t'as vu jusqu'au bout. Flo, pour toi, toi aussi, est-ce que t'as eu un petit peu les fesses qu'on fait bravo après l'égalisation? Enfin, après, tu vois, toi aussi, tu vois, c'est grave peur. Parce qu'on a eu tellement peur que le scénario se reproduise face à ça. Et est-ce qu'au final, t'as eu peur ou c'était plutôt bon, ça va aller quand même? Non, j'ai totalement flippé. Déjà, je voulais revenir sur le but parce que je le trouve magnifique, le but de Thierry. Mettre un ballon coupé au premier poteau qui lobe le gardien un petit filet. Moi qui suis moqué de lui l'année dernière quand il avait mis un but de l'épaule sur un corner. Là, je tiens à féliciter parce que franchement, des têtes comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Le but de Niort, j'ai crié, j'ai énervé parce que laisser un mec tout seul à 25 mètres, je vois deux défenseurs qui reculent, je vois Victor qui essaie d'aller dessus, mais trop tard. Tu le laisses frapper, après la frappe, elle est super bien placée. On peut pas, enfin, Fofana, là, à moins de s'appeler Neuer et pouvoir plonger très très vite, c'est impossible. Non, là, c'est Thomas Price qu'il faut s'appeler pour la ouais. Donc, c'est la spéciale à vrai. C'est, on a marqué, d'habitude, c'est quand on marque un but, mais là, quand on marque deux buts, relâchement, on s'en prend un. Ensuite, ça continue. Et je regardais le match avec un ami et je lui disais, oh non, je la vois arriver celle-là. Je fais tellement l'habitude d'être devant, se relâcher, se faire remonter sur des trucs à la con. Et juste après le but de René, je crois qu'il s'appelle le joueur de René. De ouais. Et je vois un débordement, enfin, ça passait tellement facilement sur le côté droit. Je vois un Niortais seul entrer de surface. Son collègue, je crois qu'il l'a pas vu. Il fait une passe au centre alors que l'autre, il est tout seul à l'entrée. S'il lui met, je pense que ça peut finir au fond. Et c'est là où je me dis, ça, tu fais ça en Ligue 1, mais c'est mort. C'est le gars, il reçoit la balle, l'autre, il met une praline, c'est fini, quoi. Et t'avais 2-2, tu te prends deux buts en même pas 10 minutes. Et tout ce que t'as fait depuis le début de match a été mis à la poubelle. Mais après les changements que Polo a fait, ça a rendu l'équipe un peu plus calme. Alors, on a mis de sacrés taquets. Félicitations à l'arbitre que j'ai vu sur Twitter, c'était magnifique. À chaque fois qu'un Niortais crie, il y a jaune. C'est pas totalement faux. Mais l'entrée, ouais, de, je crois qu'il y a de Bonnet et je crois de Alioui, ça a permis un peu de calmer le jeu. Donc ça a fait du bien. Ensuite, la défense est revenue un peu plus sereine parce que c'est vrai qu'on a pris l'eau sur 10 bonnes minutes. Et enfin, bah le petit bonbon, la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même cette action de bas au milieu de terrain, là. Le festival, j'ai vu. Souvenez-vous Zidane Zidane face au Brésil en 2006, bah c'est à peu près ça. Voilà, c'est le récital du maestro. Je me suis levé de ma chaise au deuxième dribble là, et quand j'ai vu qu'il met le grand bond et que l'arbitre, alors là ça va être mon petit coup de gueule, l'arbitre ne se pousse pas du tout. Je trouve ça, mais il fait ce qu'on appelle au basket, on appelle ça un écran. Ah, il s'est pas poussé. J'ai montré ça à quelqu'un qui n'a pas vu le match. Il fait, mais il fait quoi l'arbitre? Je fais, bah merci de ta réponse, parce que franchement, t'as un joueur, il élimine trois joueurs, il tente un grand pont et t'as l'arbitre, il s'y voit, je vais pas me pousser, c'est mort. Et il arrive à la récupérer quand même. Donc non, ça c'était déjà qu'il avait fait un super match. Voir ça, ça m'a. Moi j'ai fêté ça comme si c'était un but. Hein. Je me suis levé, j'ai crié, j'ai fait oh là c'est. Bah, c'est... En fait, cette action, c'est un peu ce qui nous a manqué la saison dernière. Enfin pour l'instant, comme j'ai dit, moi j'ai vu que deux matchs. C'est ce petit grain de folie, ce petit truc qui ne peut être servir à rien dans un match, parce que là c'est au milieu de terrain. Mais qui te donne. Ouais, mais qui te donne voilà, au moins qui te donne l'intérêt de regarder le match, chose qu'on n'a pas eu ou que très rarement la saison dernière. On en appelait de nos voeux dans les activistes, mais faites-nous qu'on s'emmerde pas, qu'on veut juste pouvoir se lever de notre chaise de temps en temps. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est avec des petits bonbons comme ça, des petites choses qui vont nous faire le but de Jamal sur corner comme ça, qui est bien fait, festival de bas, un joli tacle aussi fait par un défenseur sur une action dangereuse, voilà des choses qui mettent un peu de piment et un peu de sel dans la soupe. Et là c'est vrai que avec quelque chose comme ça, bah oui, c'est bon. Alors forcément, en plus en Ligue 2, t'as des mecs comme ça, tu sais que tu vas pas en profiter des années et des années. Bah profitons-en justement de ces petites sucreries et ce sera très bien comme ça. Ça va nous permettre de voir l'avenir avec un peu plus de plaisir que ce qu'on a pu voir avec ça. Messieurs, avec ça, donc cette victoire obtenue face à Niort nous permet de nous replacer un petit peu au classement. Ça, c'est pas que c'était actuellement dur ou compliqué. On était plutôt dans les bons stands, mais là, ça ronronnait un petit peu. On est actuellement septième au classement, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, et surtout dans les statistiques, toi qui aimes bien ça Florian, il y avait jusqu'à samedi soir un seul match seulement où on avait pris des buts. Au final, on a une défense qui tient plutôt bien la route, alors que comme je disais, c'était une défense expérimentale MacGyver avec beaucoup de nouveaux qui rentrent, et peut-être que certains qui étaient titulaires l'an passé vont devoir travailler plus qu'il ne faut pour pouvoir retrouver leur place de titulaire à compter des prochains matchs. Bah ouais, parce que 5 matchs, 5 buts marqués, 3 encaissés et surtout 3 clean sheets, sachant que ce n'est pas Gorgelin dans les buts, donc pas le gardien qui normalement est titulaire. Une défense de genoux alors que Gibo et Mayembo sont pas là. Autant sur certains postes, on se pose des casse-têtes parce que c'est vide. Autant gardien-défense, moi je suis polo, je dis pas que j'aurais du mal à dormir, mais ça commencerait à me poser des questions. Alors, je pense qu'en toute honnêteté, il va remettre Gorgelin, je suppose, enfin à moins que Gorgelin fasse un match et qu'il fasse une énorme boulette, je pense qu'il remettra Gorgelin. Par contre, pour la défense, compliqué, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On va donner la parole à Erwan, parce que je t'ai vu tiquer, Erwan. Est-ce que pour... Alors, toi... Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu penses que Fofana, il va peut-être rester un peu plus longtemps dans la cage que prévu. Je pense effectivement que Le Guen va préférer remettre Gorgelin titulaire. Maintenant, si le choix m'appartiendrait, je mettrais Fofana. Pareil. Parce que aujourd'hui, Fofana est un joueur d'avenir qui a quand même une carrière qui reste quand même ouverte. Il a été honnêtement efficace, plus efficace que Gorgelin dans le passé. Je trouve que Gorgelin fait beaucoup trop d'erreurs. C'est pas un mauvais gardien, mais il fait beaucoup trop d'erreurs pour un gardien qui est quand même censé être expérimenté. Mais pour moi, Fofana, il est bon. Donc, tant qu'il est bon, faut le laisser titulaire. Je suis à peu près d'accord avec vous. Et je crois qu'en plus, les deux sont en fin de contrat à la fin de l'année. Donc, est-ce que sortir Fofana maintenant, c'est le meilleur signal à envoyer alors que tu intègres des jeunes, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que tu te renies avec une des recrues phares de Paul Le Guen, qui a été Gorgelin. C'est quand il a signé, c'était un des pivots du recrutement. Et on sait à quel point Paul peut être fidèle à certains joueurs. Il y en a un autre, par exemple, pour qui je pense ça va être beaucoup plus compliqué de revenir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est Jean-Pascal Fontaine. Parce que là, pour le moment, je vois pas du tout où est-ce qu'il peut rentrer pour le moment. Je vois pas de place pour lui. Ça promet, en tout cas, quand tout le monde sera revenu, un effectif un peu plus sympathique et de beaux mots de crâne pour Paul Le Guen pour faire ses compositions d'équipe. En tout cas, nous en avons fini sur ce match. Nous allons voir maintenant vos réactions. Activez-vous. C'est parti. Pas mal de choses en absence de Romain pour moissonner Activez-vous, mais on a quand même récupéré quelques petites perles. Je voulais vous proposer ce premier message, messieurs. C'est en fait, on parle souvent des équipes de rêve ou les meilleures équipes de tous les temps. Eh ben, on a Roméo Clos. Lui, il nous a fait la pire équipe sur ces 20-25 dernières années. Je voulais vous la proposer. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez et si vous pensez qu'il peut y avoir encore plus mauvais que ça. Il a fait Diallo dans les buts, Abdoulaye Diallo, Médassi, Sambou. Il a mis Samba Camara. Vous verrez que moi, je suis pas d'accord. Et Florian Marange en défense. Thomas Ayas et Nolan Mbemba au milieu. James Fanchon et Ludovic Gamboa sur les ailes, et Cédric Bazeya et Cheikh Oumar Dabo en attaque. Est-ce que vous voyez quelque chose à redire, ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire encore plus mauvais? On peut rajouter Moussi Dioko. Bévic, oh, c'est dur. Enfin, avec le hack, il n'était pas... Bon, avec Ajaccio, ça se passe plutôt bien, je crois, là-bas. Ouais. Mais je ne le trouvais pas... Bon, après, c'est vrai que... C'est pas de ma génération, donc je ne les connais pas. En attaque, là, je peux te dire, on a vraiment gratté très fort, et Bévic Moussi Dioko est quand même encore au-dessus de des deux pour moi qui étaient là. Toi, Flo. Il y a quand même ton joueur préféré, quand même, Gilles. André Yatsima. Il y a match avec Bazeya, je suis d'accord. Dans mon souvenir, on a eu un... Mbami, c'est ça? Pré-retraite, c'est Mbami. Pré-retraite, c'est pas mal aussi. Hein. Modeste Mbami, c'est pas mal non plus. Moi, je trouve quand même que Camara en défense centrale, c'est dur. Ouais, il y a quand même pire. Et puis en arrière droit, Médassi, moi, je mettrais Sébastien Chemel parce que peut-être un poids, il est peut-être plus fort techniquement, mais la mentalité de merde, le mec qui était limite à vouloir souhaiter une victoire de l'adversaire face au hack, ah là c'était très fort quand même. Là c'était très fort, donc ça méritait. Enfin bon, je vous laisse retourner voir ce tweet de Chloé Lage, il sera temps là aussi de faire des débats là-dessus. Et passons plutôt au match. On souhaite bonjour à Tic et Tac, notre archiviste fou des ciels et marines, qui emmenait son bézo pour la première fois au stade Océane hier. Et ben en tout cas, le hack a mangé les chamois, il est content, ça sera toujours une bonne chose. Et parlons maintenant du match. Notre CSC, notre star CSC, qui nous a attribué un joli match. Nouveau centre de Cornette qui finit dans les champs barrés. Ça, c'était en première période. C'était piquant. Piquant. Comment on dit? Gourmand croquant. C'est ça qu'on dit aussi. Et ensuite, donc, Thibaut qui lance les débats sur la première mi-temps. Que retenir de cette première mi-temps? Un excellent Boutaïb, un Richardson de plus en plus intéressant et un Mbemba de plus en plus flippant, que c'est dur tout de même de proposer un minimum de jeu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur cette première période? Moi, Richardson, c'est mon petit coup de cœur du début de saison. Déjà, comme je l'ai dit, ce qui me fascine dans cette saison, c'est la possibilité de mettre des jeunes sur le terrain. Ce que Polo nous avait promis l'année dernière après un petit coup de gueule. Là, on va dire, on l'a. Et pour l'instant, c'est lui qui me plaît le plus. Donc ouais, bah Boutaïb, il fait du Boutaïb. Pour moi, c'est pas excellent, c'est correct. Après Mbemba, ouais, c'est pas son poste, c'est un couteau suisse. Je sais pas, ça fait combien de matchs qu'il est sur son côté droit. C'est un peu compliqué sur certaines phases. Donc ça reste à voir. Bah, ça fait 4, plus vu que le match à Rodez, il était à gauche. Donc 4 à droite, 1 à gauche, et puis on verra ce que ça donnera ensuite. Toi, Erwan, tu veux rebondir là-dessus aussi? Oui, c'est vrai que Richardson, c'est aussi mon petit coup de cœur. C'est vrai que j'aime bien sa façon de jouer, son comportement sur le terrain, cette mentalité qu'il a. Il fait une bonne première période, j'ai trouvé assez bon dans la première période, un petit peu plus absent lors de la seconde. Peut-être c'est dû à la fatigue, je sais pas, mais en tout cas, j'ai bon espoir pour lui, mais j'ai bon espoir aussi pour les jeunes du centre de formation qui proposent des choses intéressantes, qui des fois sont supérieures, je dirais, aux joueurs qui sont là depuis longtemps. Espérons en tout cas qu'ils continuent de progresser. Passons à la deuxième mi-temps avec Malik 2. On va citer nos maîtres, donc autant aller tout de suite. Le doublé pour Jamal Tiaré sur corner, la spéciale Eddie Cavani pour le numéro 14 qui coupe d'une tête croisée au premier poteau. Vous aviez dit justement, vous avez souligné que c'était un geste technique. Jamal se fait comparer à Edinson Cavani. On a vu plus dégueulasse comme comparaison. Et au moins sur ce coup-là, on peut dire que ouais, c'était quand même très très joli. On en arrive maintenant à la fin du match, donc on a moissonné vos avis finaux. Avec Vince, malgré des cadres absents, le hack fait un début de saison vraiment intéressant. Les jeunes débutent en pro, mais progressent à chaque match de la charnière. Encourageant, je suis tout à fait d'accord avec lui. On avait dit justement, c'était en plus, on avait mis plutôt la lumière sur Isaac Touré et un peu moins sur Sanganté, qui était titulaire depuis le début de la saison. Et Isaac avait eu deux matchs assez compliqués pour démarrer. Paris FC, une erreur pour l'ouverture du score parisienne. Et face à Rodez, il avait dû sortir parce qu'il était dans le collimateur de l'arbitre. Mais effectivement, on avait aussi insisté sur le fait que c'est des matchs qui étaient formateurs. Et ça progresse, et c'est bien intéressant à ce niveau-là. Ouais, rien à ajouter, non. C'est une très très bonne défense pour le moment, comme on l'a dit tout à l'heure, à voir quand les deux cadres, entre guillemets, vont revenir. Continuons maintenant avec Fanatic du 76-13. Ce match a eu du mal, et puis le show bas a commencé. Quel travail et quelle percussion. Alors Paul, êtes-vous si sûr que les cadres vont revenir dans le 11 sans lutte? Bravo à nos jeunes pousses. J'ai apprécié la sérénité de Touré et un gros encouragement à Jamal. Top 8, nous voilà. Roméo Clou, rarement vu demi-temps aussi opposé. Première mi-temps, la fougue de la jeunesse, ça tente des choses, c'est au contact, ça va de l'avant avec Cornette qui dédouble beaucoup et centre pas mal. Seconde mi-temps, hésitant, en retard au contact et imprécis. Le cal en est le symbole, à la récup et coupe les passes en première, en retard et perdu sur le terrain en seconde. Beaucoup aimé bas, le casseur de ligne qu'il manquait, Richardson qui ratisse pas mal, et Sanganté qui prend de l'ampleur derrière, et clé le plaisir des buts en live. Après, rarement vu de mi-temps aussi opposé, juste toute la saison dernière. Toute la saison dernière, on a eu des mi-temps catastrophiques et ensuite c'était bien ou l'inverse. Ouais, le deuxième mi-temps, en fait, à partir du 2-0 qui arrive assez vite, c'est vrai qu'on a été beaucoup mis en retrait, on a été dominé et du coup, les tacles étaient un peu en retardement. Et vu que quand tu mènes 2-0, tu commences à faire des fautes, l'arbitre dit ok, il casse le jeu pour couper les actions et ensuite gagner du temps. Donc les cartons arrivent plus vite. Donc ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'était un peu brouillon, mais à part cette période de 10-15 minutes après notre deuxième but, ça a été plutôt serein, sauf cette période où on se prend le but et derrière on est un petit peu sous pression. Ensuite, nous avons Sir V3, une victoire. On a été surpris par le but niortais. La plupart des joueurs sont au niveau, arbitrage médiocre, on n'en a pas parlé. Match haché dans les 20 dernières minutes, je retiens le festival bas. Et à ça aussi, j'aimerais bien revenir aussi là-dessus avec vous, messieurs. L'arbitre, vous en avez pensé quoi? Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, il y a quand même un petit décalage. C'est pas forcément mauvais, mais tu te dis, bof, ça sent pas le jeu quand même. Oui, effectivement, je trouve qu'il sentait pas tellement le jeu. Après, j'ai pas trouvé que l'arbitre a fait des grosses erreurs. Bon, j'ai déjà vu des arbitres bien plus qui font bien plus d'erreurs que ça. Bah, pour ma part, moi, je dirais dans la moyenne, je l'ai pas trouvé complètement nul. Comme je l'ai dit, à part cette action de bas où il se pousse pas, où t'as l'impression que le gars était ailleurs. Après, pour les fautes, on connaît l'adage, hein, t'as une équipe qui mène, tu commences à faire des fautes. Comme je l'ai dit, l'arbitre il pense que c'est pour casser le jeu, pour casser les attaques, pour gagner du temps. Donc évidemment, les cartons arrivent plus vite. Il suffit que le joueur de New York en rajoute en criant un peu. Voilà, le carton il est presque inévitable. De l'autre côté, on a eu des actions où un vrai se faisait casser en deux et il laissait jouer. Et l'action se poursuivait, à tort ou à raison, parce que des fois on perdait le ballon, tout ça. Donc non, c'était pas un arbitrage mauvais, c'était un arbitrage de Ligue 2 en France, c'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, mais ça fait le travail. Il n'y a pas eu de grosses erreurs d'arbitrage, de mon point de vue. Et enfin, on va conclure avec Aurel JSP. Les jeunes font du bien à voir. Par contre, Mbemba, déjà qui nous coûte cher pour son niveau, ce serait cool qu'il ne nous coûte pas des points dans le futur. Nolan, effectivement, il cristallise quand même beaucoup de choses, Nolan Mbemba, de par sa saison ratée l'année dernière. Son repositionnement en arrière droit, moi j'avais dit, c'est le recyclage pour éviter de le mettre dans la case des échecs absolus. Mais hier, avec. Donc on avait Baldé qui était sur le banc de touche, on a Woyo Koulibaly qui est dans le coin aussi, et il reste quand même titulaire arrière droit. Est-ce qu'il ne va pas falloir que lui aussi atteigne un niveau intéressant rapidement pour ne plus avoir à être critiqué autant qu'il ne l'est? Moi déjà, ce que je trouve, c'est déjà pour qu'il atteigne un bon niveau, il faudrait le faire jouer à un poste qui lui appartient. Et ça vient du coach. Le coach, moi j'en veux pas, et même pas qu'il fasse des erreurs dans un poste qui n'est pas le sien. Maintenant, effectivement, l'année dernière, il a quand même raté sa saison. Après, on sait que le poste de milieu de terrain est un poste quand même où il y a beaucoup de concurrence, et c'est à lui de travailler pour justement devenir plus intéressant, plus fort que les autres. Mais ses erreurs défensives, pour moi, elles sont excusées parce que c'est pas son poste. C'est pas un poste. Tu as normalement des joueurs au poste latéral qui sont disponibles. On a Baldé qui est actuellement disponible. Je sais pas si Voyo est dans les meilleures conditions, mais aujourd'hui. Si tu veux un grand Nolan, faut déjà le faire jouer à son poste. Et après, lui, faut qu'il travaille bien plus que les autres pour avoir un niveau plus fort. Comme tu l'as dit, c'est pas son poste. Soit Polo continue sur ce terrain-là et du coup, à force, il va avoir des automatismes et commencer à, entre guillemets, à avoir un vrai rôle de défenseur, de latéral. Et la recrue qui joue pas. Alors, est-ce que Polo veut bien le mettre dans l'effectif? Qu'il soit en confiance au lieu de le jeter directement dans le bain. Il l'a fait avec les jeunes de la KV, donc je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire avec Baldé. Après, Woyo, oui, il a été longtemps titulaire en saison dernière, et il a été remplacé par un Fontaine qui était latéral droit. Donc, comme Gilles, tout à l'heure, tu posais la question, que va faire Fontaine quand il va revenir? Ça se trouve, ça sera Fontaine latéral droit, quoi. Donc, c'est vrai que ce poste me au, fait un petit au peu moins, il y aura un poste qui sera pourvu à ce niveau-là. Il y en aura quatre qui pourront prétendre ouais. à être titulaires. Donc, c'est bien. Au moins, il y a aussi. Déjà ça. La Gibo aussi qui peut être latéral. Allez, on va faire une équipe. On va tous les mettre en bas à droite. Là, ce sera pas mal. Non, mais ça, c'est un peu étonnant. D'autant plus, je vous rejoins, c'est sur le fait qu'effectivement, on est capable de lancer. Alors, est-ce qu'il veut pas en lancer trop? Bah, dans ce cas-là, il fallait pas aller chercher Tierno Balde. Il fallait chercher un autre profil pour faire ça. Et est-ce qu'il a pas aussi, à un moment, des petites obligations de temps de jeu en fonction de sa disponibilité, parce que le PSG, je vois pas le PSG prêter un joueur juste pour qu'il ne joue pas. Ce serait un peu étonnant. Donc, on verra de toute façon dans les prochaines semaines comment ça va évoluer. En tout cas, chers amis auditeurs, vous avez du talent. C'est toujours un plaisir de vous lire chaque semaine. Nous allons maintenant attaquer notre dernier sujet, Mercato. C'est parti. Le changement, c'est pas pour maintenant. Les semaines se suivent et se ressemblent. La tonie générale du marché des transferts empêche toute avancée pour nombre de clubs comme le HAC qui est en attente de voir des opérations se conclure à l'échelon supérieur pour espérer voir venir de potentiels renforts. Sans assez d'argent pour boucler des transferts payants ou signer des joueurs aux prétentions salariales hors d'atteinte, ne serait-il pas temps d'acter la fin du mercato pour les Ciel et Marines, ceux-ci espérant encore au moins un attaquant et un défenseur, et de serrer les dents en faisant confiance à des jeunes qui savent désormais avoir une belle opportunité à jouer en cas de bonne rentrée? Erwan, vu qu'on va continuer avec toi, mercato hack, stop ou encore? Je pose la même question que la semaine dernière. Compliqué. Alors, je dirais encore, il faut insister. On a besoin de certains joueurs pour devenir une équipe compétitive. Moi, je pense qu'on n'est pas si mauvais. On n'a pas un effectif catastrophique. On est capable d'être une bonne équipe de Ligue 2. Mais si on veut être encore plus compétitif, il faut insister. Il faut essayer d'aller chercher alors un attaquant, oui, mais c'est vrai que Thierry a été efficace hier et peut-être qu'il va prendre la confiance et l'aide bien plus. Mais moi, c'est un poste qui me fait quand même un peu peur, c'est ce poste offensif. Après, dans le terme de tout ce qui est défenseur, je trouve qu'on est assez solide, hein. On est quand même une équipe plutôt bonne. Et pour moi, il faut insister encore. Après, c'est pas dit qu'on aura encore une recrue d'ici la fin du mercato, mais faut toujours essayer. Florian, quel est toi ton avis là-dessus? On insiste encore ou on se focalise sur nos forces vives actuelles? Bah, si j'étais à la place de Polo ou un des membres du club, je dirais encore. Mais en tant que fan, il n'y a aucun signe, aucun qui nous dit qu'il va y avoir quelque chose. Et c'est même l'inverse. Parce que j'ai écouté la conférence de presse de Polo avant le match. J'ai retenu. Incapacité d'acheter, car ici, sur le marché des transferts aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire des choses. Donc ça, on s'en doutait avec la situation financière de saison dernière et que on pouvait pas recruter, etc., parce qu'il y avait des pertes. Je fais OK. Ensuite, avec les prêts, il y a la fameuse phrase de « oui, il y a des possibilités, mais oui si ou oui mais ». Donc à mon avis, c'est soit la prétention salariale du joueur, elle peut pas être prise en compte par le Havre, soit c'est du temps de jeu. Mais comment promettre du temps de jeu si tu as un effectif qui est correct? C'est ce qui peut-être se passe avec Baldé. Donc, de ce côté-là aussi, ça me paraît compliqué. Et enfin, il finit avec « s'il le faut, on continuera comme ça et on fera avec les jeunes ». Quand tu vois que pour l'instant, les jeunes sont limite les meilleurs joueurs, ça pousse pas non plus à aller chercher. Donc, du côté de Paul Le Guen, il y a ça. Et je ne sais pas si vous en avez parlé les précédentes fois. Là, je l'ai relu, la déclaration de Pierre Ventiès. Le HAC, ils n'arrivent pas à recruter, car l'effectif, les agents considéraient l'effectif normand comme très fourni et compétent. Ouais, on en a bien parlé la semaine dernière. J'avais bien insisté sur le fait que tu aurais voulu écrire une série sur le football. Celle-là, tu n'aurais pas osé la sortir. Non, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il sort ça, et dans la même interview, il fait « Le HAC n'est pas aussi attractif qu'on le souhaiterait ». Dans la même interview. Hein. Donc, un effectif fourni et compétent, donc c'est-à-dire un effectif qui a de la gueule, et derrière, n'est pas attractif. Je pense que alors là, je pense vraiment, chers amis, il va falloir qu'on ouvre un compte Twitter, The Pierre Ventier Fact, parce que franchement, il y a vraiment de quoi faire depuis 2 ans et demi. Hein. Le mec qui fait le même constat 2 ans après son arrivée et ça bouge pas. Cette interview un peu lunaire où ils sortent, on nous sort l'argument, autant dire l'argument comme quoi les agents de joueurs veulent pas placer leurs joueurs au HAC parce qu'il y a de la concurrence ou ils ont peur. Ah, celle-là, elle a fait le tour de la France. Hein. Là, je veux dire, on se fait foutre de nous par à peu près tous les clubs parce que quand tu dois sortir un argument comme ça, tu dis rien, tu fais de la langue de bois. Tu peux pas sortir quelque chose comme ça. En fait, c'est juste, enfin, c'est mon avis. Je pense surtout qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des choses parce que, un, le HAC, ça ne fait pas rêver les joueurs. Et peut-être aussi que, soit les joueurs ciblés ne peuvent pas être payés, enfin, que ce soit un DNT de transfert ou de salaire. Et du coup, bah, il faut sortir une excuse. Donc, on sort ça. Et pour moi, il n'y aura pas de recrue, à moins que ça soit un éclair venu du ciel, un contact, soit de Polo, soit d'un directeur sportif, ou un joueur qui a pas joué depuis 4 ans et qui est désespéré et qui a envie de jouer. Sinon, on fera se contenter de ceux qui sont présents. Et pour ma part, en début de saison, j'aurais dit « Oh non, c'est inadmissible, il faut recoter. » À part devant, où je pense que ça peut être un peu faiblard, surtout si on a un qui se blesse. Les autres postes, alors oui, il y a le souci de l'arrière-droit, mais quand on voit que Gibault peut jouer à droite, en défense, c'est blindé. En gardien, il y a une petite concurrence arrière-gauche à Parmeiras, peut-être à voir. Au milieu de terrain, ça me paraît plutôt aussi pas mal. Il y a juste l'attaque qui, pour moi, pourrait être un peu faiblard. Donc, en soi, c'est pas déconnant. Ensuite, c'est à voir. Hein, et puis, y a à dire aussi, c'est peut-être aussi une faillite dans le réseau de recrutement des divisions inférieures. C'est peut-être maintenant, vu le niveau qu'on a et les possibilités qu'on a, peut-être rester sur du recrutement franco-français, aller prospecter en N1, voire en N2 dans certains cas, mais essayer justement de faire monter aussi des joueurs de division inférieure à notre niveau. On n'a peut-être plus les moyens justement d'aller gratter au-dessus des éléments supérieurs. Bah, faisons du recrutement en promotion de division inférieure et ça coûtera moins cher. Et il y a possibilité quand même de se déplacer pour pas trop cher pour aller voir les joueurs. Donc peut-être que le prochain axe du recrutement, ça sera ça. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur les comptes Twitter de Erwan qui nous fera son débrief de match et son avant-match toutes les semaines. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le HAC et allez le HAC. Merci.